بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ceci dit, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre deuxième assise autour de cette récap concernant certains sujets du jeûne. Et en ce qui concerne l'intention de jeûner les jeûnes obligatoires, il est obligatoire d'avoir l'intention pendant la nuit qui précède le jeûne obligatoire, même si cela n'a lieu que quelques minutes avant l'apparition de l'aube véridique. Ceci est pour le jeûne obligatoire. La preuve est dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit عن حفصة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه أحمد وأبو داود وغيرهم وللدراقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. Et donc Hafsa, la mère des croyants, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube n'a pas de jeûne. Le hadith il est authentique chez Abu Daoud et d'autres. Daraqutni rajoute: pas de jeûne pour celui qui n'a pas eu l'intention dans la nuit. On retient de ce hadith que le jeûne doit être motivé par une intention, comme dans le hadith authentique où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli wa inna likulli mar'in ma nawa. Les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué selon ce qu'il a voulu, c'est-à-dire selon l'intention de son acte. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Al-Bahuti dans Sharh al-Iqna a dit le lieu de l'intention, c'est le cœur. Ainsi, celui à qui vient à l'esprit de jeûner demain, on aura eu l'intention. Il suffit tout simplement de manger ou de boire avant l'aube, de prendre sahur avec l'intention de jeûner. Par contre, le jeûne n'est pas valide si l'intention apparaît dans la journée. Fin de citation des paroles de Al-Bahuti. Et cela, sur Allah subhanahu wa ta'ala, concerne le jeûne obligatoire. Il est obligatoire que le jeûne obligatoire, l'intention soit avant l'apparition du fajr véridique. Une minute avant ou deux minutes avant. Le jeûne doit couvrir l'ensemble de la journée. Donc, celui qui a eu l'intention qu'après l'aube n'a pas eu l'intention pour une partie de la journée. On est en train de parler du jeûne obligatoire. Ramadan, ou le rattrapage, ou le jeûne du vœu pieux, ou l'expiation. Car avoir l'intention avant l'aube est spécifique aux jeûnes obligatoires. Aux jeûnes obligatoires. Il est obligatoire d'avoir l'intention avant l'aube, véridique. Donc, concernant l'intention, nous devons pas avoir d'ouswas non plus. Le simple fait de se lever avant l'aube pour prendre sahur indique clairement que la personne veut jeûner. Donc, on se casse pas la tête, et on rentre pas dans les waswas qui ne se terminent pas. Et selon l'avis le plus juste, il suffit de placer son intention pour l'ensemble du mois au cours de la nuit qui précède le premier jour de Ramadan, selon l'avis le plus juste, comme dit Cheikh Al-Uthaymeen dans Sharh Al-Mumti', de placer son intention pour l'ensemble du mois de Ramadan la nuit qui précède le premier jour de Ramadan, c'est-à-dire avant l'aube du premier jour du mois de Ramadan. Cependant, il est recommandé de renouveler cela chaque jour. Et cela, comment il se renouvelle chaque jour? Tout simplement par le fait de prendre sahur. Quand on se réveille pour prendre sahur, ce repas de fin de nuit, c'est qu'on a l'intention de jeûner. Quant au voyageur qui a rompu le jeûne durant certains jours, quand il retourne chez lui, il devra replacer son intention à son retour avant de reprendre le jeûne obligatoire. C'est normal parce que il a jeûné, il a eu l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Entre temps, il a jeûné 10 jours, il est parti en voyage. Pendant 3 ou 4 jours, il n'a pas jeûné. Donc quand il revient, il faut qu'il replace son intention avant de reprendre le jeûne. Hein? Tout ceci, c'est dans Sharh al-Mumti' de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh. Ça, c'est ce qui concerne l'intention pour les jeûnes obligatoires, à savoir le jeûne qu'on s'est imposé par un vœu pieux, le jeûne des expiations, le jeûne du Ramadan. Quant au jeûne surrogatoire, il est valide, même si on a l'intention de jeûner qu'après le lever du soleil ou au zénith. Le jeûne sera valide. La rétribution, comme disent les hommes de science, comme il est stipulé dans les paroles de Cheikh Al-Uthaymin, dans l'interprétation qu'il a fait de Bulugh Al-Maram, la rétribution débute à partir du moment de l'intention. Car ce qui est avant n'était pas dans le but de se rapprocher d'Allah. Mais tout ceci à condition de n'avoir fait aucune chose qui invalide le jeûne après l'aube. Hein? Ceci à condition de n'avoir fait aucune chose qui invalide le jeûne après l'aube, avant l'intention. Et si c'est le cas, il n'y a aucune divergence que le jeûne n'est pas valide. À savoir, un lundi matin, on se réveille, on a fait le fajr et on n'a rien mangé depuis que le fajr est apparu, on n'a rien mangé. Vers le coup de 10h ou de 11h, on s'est dit, je vais jeûner. C'est bon, parce que c'est un jeûne surrogatoire. Seulement ce qui va compter, au niveau des récompenses, il va débuter à partir du moment où on a eu l'intention de jeûner, et pas ce qui s'est passé avant. Mais ceci à la condition que après l'aube on n'ait rien mangé. Parce que si on a mangé après l'aube et après on dit dans la journée je continue le jeûne, il n'aura pas lieu. Parce qu'il n'est pas valide. Il a été annulé par un annulatif qui est la boisson ou la bouffe. Qu'est-ce qui a fait la différence pour le moment de l'intention du jeûne surrogatoire et l'obligatoire? Ce qui fait la différence, ce sont les textes de la législation. Le hadith de notre mère Aïcha, radiyallahu anha, قالت دخل علي النبي ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني صائم رواه مسلم. Donc ce qui fait la différence, c'est tout simplement le hadith. Le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui a dit, un jour le prophète est rentré chez elle et lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Aïcha lui a dit, il n'y a rien. Il a dit, dans ces cas-là je jeûne. Mais il faut comprendre, comme disent les hommes de science, qu'il n'a rien mangé depuis l'aube, depuis l'apparition de l'aube du véridique, il n'y a rien qui est rentré dans son ventre. Donc il a dit je jeûne. À quel moment? C'était à un moment dans la journée. Donc au niveau du jeûne surrogatoire, il n'est pas obligatoire de compléter le jeûne aussi. Il n'est pas non plus obligatoire de compléter ce jeûne. Mais il est recommandé de le faire. Donc celui qui accomplit un jeûne surrogatoire, c'est à lui de voir où il est son intérêt. Entre le fait de compléter le jeûne ou de rompre son jeûne. La preuve c'est quoi? Toujours le hadith de Aïcha, le même hadith. Ou à la fin de ce hadith, la suite du hadith dit ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرْ فَقُنَّا أُهْدِيَ لَنَا حَيْسْ فَقَالَ أَرِينِي فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلْ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Et donc la preuve, c'est toujours la suite qui vient dans le hadith de Aïcha, cité il y a un instant. Il dit, un autre jour, le prophète revint à la maison, et je lui dis, on nous a offert du haïs. Il répondit, montre-le, car je jeûne. Donc, il jeûnait, alayhi salatu wassalam, depuis l'aube. Il a dit, car montre-le, car je jeûne depuis ce matin. Il mangea, alayhi salatu wassalam. Le hadith est rapporté par Muslim. Le hays, hein, ici, c'est des mélanges de dattes sèches avec du fromage cuit et du beurre rance. C'est ça le hays. Donc cela concerne le jeûne surrogatoire, hein, pour l'intention et pour aussi le choix de le rompre ou de le continuer. Hein. Mais l'intention peut être faite au milieu de la journée à condition qu'on n'a rien avalé après l'offre véridique. Donc, aussi, l'une des choses qui est dans la sunna de notre messager, c'est qu'il est recommandé de hâter la rupture du jeûne, dit le cocher de soleil, car c'est une preuve de la persistance du bien chez celui qui la pratique. Le bien ici, comme il est stipulé dans le hadith, il a conformité avec la sunna. Il n'y a aucun doute que cela est la cause du bien dans ce bas monde et dans le delà, le fait de se conformer à la sunna du prophète alayhi wa sallam. Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu arda a dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, la yazal al-nas bi khair ma ajjal al-fitr. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. Et donc, c'est quoi hâter la rupture du jeûne? C'est-à-dire, dès que le soleil se couche, on rompt son jeûne. Dès qu'on voit que le soleil s'est couché, ou qu'il nous a été annoncé par un dîn, khlas, on rompt son jeûne. Et dans le fait de hâter la rupture du jeûne, il y a la différenciation avec les gens du livre et avec le rawafid. Hein? Et donc, dans la législation, il est toujours recherché le fait de se différencier des gens du livre. Hein? Et on s'est différencié de Rawafid aussi, parce que dans Rawafid, il n'y a aucun bien. Comme il a dit Cheikh Al-Bassam, quand il a fait l'interprétation de ce hadith, il a dit, et ce hadith, il a dit miracle du prophète, alayhi wa sallam, car, Rawafid, il n'y a aucun bien dedans. Et Rawafid ne rompt le jeûne qu'une fois que les étoiles apparaissent dans le ciel, une fois que la nuit, s'est bien installée. Et il y a aussi dans le mérite, il y a du mérite dans le fait de rompre le jeûne avec des dattes ou de l'eau. Des dattes ou de l'eau. Dans le hadith rapporté par Tirmidhi, le messager d'Allah rompait le jeûne avant d'accomplir la prière du Maghreb avec des dattes fraîches, s'il en trouvait, sinon avec des dattes sèches, et s'il n'en trouvait pas, ben il buvait quelques gorgées d'eau. Donc, dans le hadith, soit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rompait avec des dattes fraîches, soit il rompait avec des dattes sèches, soit tout simplement s'il ne trouve pas ni l'une ni l'autre, ben il rompait avec quelques gorgées d'eau. Donc, c'est bien de respecter cet ordre. Mais si la personne rompre le jeûne avec du pain, ou avec des sucreries, ou avec du lait, ou avec du leben, il est permis, il n'y a pas de problème. Et il y a aussi un grand bien dans Sahur, le repas de fin de nuit. Il y a un grand bien dedans et plein de bénédictions. Le messager d'Allah a dit, Anas ibn Malik a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tasaharu fa inna sahur baraka. Fa inna fi sahur baraka. Muttafaqun alayhi. Anas rapporte que le messager d'Allah a dit, prenez le repas de fin de nuit, car sahur contient une bénédiction, contient du bien. Et la bénédiction du repas de fin de nuit réside dans la conformation avec la sunna du messager alayhi wa sallam. Aussi, il renforce le jeûneur, il lui donne de la force. Et il fait partie des bénédictions aussi du sahur, c'est de se lever à l'heure du sahar, qui est un moment privilégié, où Allah Azza wa Jal descend au ciel de ce bas monde. et appelle les serviteurs afin qu'ils lui demandent ce qu'ils veulent. Et parmi les bénédictions du Sahur, hein, c'est qu'il permet aux gens de prier l'obligation du Fajr en commun dans les mosquées. Et on remarque tous, hein, comment les mosquées, le nombre important qu'il y a dans les mosquées pendant le mois de Ramadan pour la prière du Fajr. Et aussi, ce repas est une distinction aussi avec les gens du livre, comme il est rapporté par l'imam Muslim de ses hadiths. Et aussi, il est recommandé de retarder Sahur, de le regarder jusqu'à la fin de nuit. Zayd ibn Thabit, Anas ibn Malik qui le rapporte de Zayd ibn Thabit, Zayd a dit, تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم بين الآذان والسحور قال قدر قراءة 50 آية donc selon Anas qu'Allah l'agré qui le tient de Zayd ibn Thabit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré il a dit nous avons pris sahur avec le messager d'Allah. Puis le messager d'Allah se leva pour la prière de l'aube. Anas a demandé à Zayd, combien de temps y avait-il entre l'appel à la prière et le sahur? Zayd répondit, le temps équivalent à la lecture de 50 versets. Certains nombres de sciences ont estimé ce temps entre l'appel l'apparition de l'aube, il appelle à la prière, hein, et la rupture, et, hein, le fait d'arrêter de manger entre 5, 8 minutes à 10 minutes. Et tu vois que ceci est moins que le temps qu'ils mettent pour l'imsak sur les calendriers. Tu vois, dans les calendriers, tu te retrouves avec 30 minutes avant l'apparition de l'aube véridique. Des fois avec 25 minutes. Hein? Alors que la sunnat, c'est de retarder au maximum. Et donc, il y a là le mérite de retarder sahur et le mérite de s'empresser à accomplir la prière de l'aube. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a arrêté de manger entre 5 et 10 minutes, il y a eu l'appel à la prière et il est rentré dans la prière, alayhi salatu wassalam. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, dans Tamam al-Minna, en se basant sur ce hadith de Zayd, en se basant sur un autre hadith qui dit, si l'un de vous entend l'appel à la prière de l'aube, alors que le récipient est dans sa main, qu'il ne le pose pas que lorsqu'il en aura pris ce dont il a besoin. L'appel à la prière, c'est-à-dire le deuxième appel qui annonce, ça y est, l'offre véridique est arrivée, est en train, le moudel est en train d'appeler. La personne, il a un récipient dans la main. Bah, il ne le pose pas jusqu'à ce qu'il ait pris son besoin de ce récipient. Car le hadith, il dit, si l'un de vous entend l'appel à la prière de l'aube, alors que le récipient est dans sa main, qu'il ne le pose que lorsque il en aura pris ce dont il a besoin. Cheikh Nasr Dil Albani, il dit, c'est une preuve que celui qui voit l'aube se lever, alors qu'un récipient de nourriture ou de boisson est dans sa main, cela prouve qu'il peut ne pas le poser jusqu'à en prendre ce dont il a besoin. Il dit, c'est là, et là, il y a une exception par rapport au verset. Le verset, il dit, mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir de l'aube. Hein? Et là, il y a une exception qui est dans ce hadith. Le hadith, il vient nous donner une exception ici. Il dit, rahmatullah alayh, il n'y a pas de contradiction entre ce verset et les hadiths qui portent ce sens d'un côté et de ce hadith de l'autre côté. Il n'y a pas non plus l'unanimité qui le contredise. Tamam al-Minna, Hein? Donc, Cheikh Nasr Din Albani est en train de nous expliquer que il y a le fait de, quand on a un récipient dans la main, par rapport à ce hadith, et que l'aube apparaît, on prend ce qu'on a besoin, que ce soit de l'eau ou de la nourriture. Et que cet acte n'est pas en contradiction, ni avec le verset, ni avec le hadith qu'on vient de citer de celui de Zayd, hein, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté 5 minutes ou 6 minutes ou 7 minutes avant. Hein, il n'y a aucune, parce que ce verset-là, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient d'en faire une exception. Et hein, l'unanimité aussi ne contredit pas ce hadith. Et dans ce qu'a cité Cheikh l'Uthaymin rahmatullah alayhi dans le Sharh al-Mumti', voici un petit résumé de ce qu'il a cité concernant les annulatifs du jeûne. Parmi les annulatifs de base sont le fait de manger, de boire et d'avoir un rapport avec sa femme durant la journée du jeûne. Donc ça, ce sont les trois annulatifs principaux du jeûne, qu'ils soient obligatoires ou surrogatoires, mais il faut que trois conditions soient réunies pour que l'un de ces annulatifs annule le jeûne. Il faut que trois conditions soient réunies pour que l'un de ces annulatifs annule le jeûne. La connaissance. Ainsi, celui qui ignore que tel acte annule le jeûne ou ignore être dans une situation dans laquelle il est censé jeûner, ne voit pas son jeûne invalide s'il commet un des actes qui annule le jeûne. Parce qu'il ne sait pas. L'ignorance empêche que ça annule son jeûne. La deuxième condition, le fait de se souvenir qu'on est en état de jeûne. Ainsi, celui qui commet un annulatif par oubli ne voit pas son jeûne invalidé. Il continue sa journée. La troisième condition, la préméditation. Ainsi, le jeûne de celui qui commet un annulatif involontairement ou par contrainte, son jeûne reste valable. Donc, tout ce qui s'apparente à la bouffe, il y a la boisson, annule le jeûne, c'est le cas des piqûres, par exemple, nutritifs. Donc tout ce qui s'apparente à ce qui est boisson, à ce qui est bouffe, nourriture, annule le jeûne, comme le cas des piqûres nutritifs. Et il y a une règle chez les gens de science qui dit, tout ce qui atteint l'estomac par voie orale ou nasale, annule le jeûne. Tout ce qui atteint l'estomac par voie orale ou nasale annule le jeûne. La preuve c'est quoi? Le hadith de l'Aqit ibn Sabura. Hein? Appuie cela. Le fait par exemple de s'administrer des gouttes dans le nez provoque la rupture des jeûnes. Hein? Cheikh Al-Uthaymin dit que dans Sharh Al-Mumti' que le fait de s'administrer des gouttes dans le nez provoque la rupture des jeûnes. Pourquoi? Parce que le prophète a dit à l'Aqit ibn Sabura concernant les ablutions et insiste sur l'inspiration, c'est-à-dire l'inspiration de l'eau dans les narines, à moins que tu sois en jeûne. Donc quand tu sois en jeûne, hein, tu fais attention. Tu n'insistes pas. Hadith il est rapporté par Abu Daoud Tirmidhi et il est authentifié par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayh. Et donc, concernant l'introduction de suppositoires ou autres dans l'orifice anal, cela, les fuqaha disent que ça n'annule pas le jeûne, de même que l'administration de médicaments par voie urétrale. Cela ne revient pas au fait de manger ou de boire. Et le législateur allier l'invalidation du jeûne aux choses qui atteignent l'estomac. Hein? Tout ceci relaté dans le Sharh al-Mumti' de Cheikh al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Et dans Bulugh al-Maram rahimahullah, dans le Sharh qu'il a fait de Bulugh al-Maram, il parle du khoul, c'est-à-dire, hein, le col avec lequel les femmes se fardent les yeux. Il dit le col est permis au jeûneur, qu'il s'agisse d'un jeûne surrogatoire ou obligatoire, qu'il eut, qu'il ait senti, que le jeûneur ait senti le goût du khoul à la gorge ou pas. Car il dit, rahimahullah, si on dénombre ceux qui invalident le jeûne, nous ne trouvons pas le col. Il dit de plus, l'invalidation n'est pas liée à ceux qui parviennent à la gorge, mais au ventre. Hein? Donc le col, quand on le met dans les yeux, si, hein? Même si on le sent dans la gorge, on le recrache, hein? Et le col ne fait pas partie des annulatifs de là, du jeûne. Cela veut dire qu'il faut, quand on le sent dans la gorge, il faut qu'on le recrache et ne pas l'avaler quand on le sent dans la gorge. Car ce qui annule le jeûne, c'est ce qui rentre dans l'estomac. Et dans Sharh al-Mumti', il dit, rahmatullah alayh, dans un résumé, les différentes techniques d'exploration du type digestif tel l'endoscopie ou la fibroscopie, qui consiste à y introduire une mini-caméra, ne provoque pas l'annulation du jeûne, sauf si cette dernière est graissée. Et si on peut l'éviter et le faire que le soir, c'est mieux. Donc il part de, hein, ces analyses qu'on fait, hein, par le type digestif tel, hein, qu'on fait des tubes pour pour explorer les tubes digestifs ou l'estomac, tel ce qu'on appelle l'endoscopie ou la fibroscopie. Ah, donc, cela implique l'introduction d'une mini-caméra. Si c'est la caméra, il n'est pas engraissé, bah, ça annule pas le jeûne, mais il sera annulé avec le fait. Quand la caméra est engraissée avec une matière, c'est ce qui va faire l'annulation. Et Cheikh Rahmatullah, elle dit, si on peut l'éviter jusqu'à soir, ce sera mieux, c'est mieux. Et, il y a des choses, donc si on peut l'éviter, hein, jusqu'au soir, c'est mieux, sauf en cas de force majeure, ça, la personne ne peut rien. En cas de force majeure, la personne subit, il va pour le bien de sa santé, ikhlas. Maintenant, on arrive, par exemple, il y a des choses que certains croient que ça annule le jeûne, mais en réalité, ça annule pas les jeûnes chez les hommes de science. L'introduction de la poussière, hein, l'introduction d'insectes dans la gorge, tout ceci n'invalide pas le jeûne, car cela ne dépend pas de la volonté de l'individu. C'est quelque chose que la personne va subir. Il est sur un chantier, ou il est dans une forêt, ou là à côté d'un lac, hein, et tout d'un coup il y a un insecte qui rentre, ou de la poussière sur le chantier, etc. Hada il subit, donc ceci n'annule pas son jeûne. Aussi, le jeûne de celui qui a pris son saho et qui se rencontre après l'aube qu'il y a des restes de nourriture dans sa bouche. Hein? Ceci n'annule pas son jeûne. Il doit tout simplement sortir ces choses de sa bouche et son jeûne est valide. Hein? Rincer sa bouche de cela et jeter ce qu'il y a dans la bouche, puis khlas. Et aussi quand durant les ablutions, on se rinçant la bouche ou en inspirant l'eau dans ses narines, l'eau rentre par inadvertance. Cela non plus n'annule pas le jeûne de la personne, car cela n'est pas prémédité. Il en est de même de celui dont la bouche est sèche, qui se la rince ou se gargarise, ils sont de l'eau qui est entrée involontairement dans sa gorge. Son jeûne reste valide. L'émission du sperme faite suite à une pensée sensuelle n'annule pas le jeûne, sauf s'il est provoqué par un acte. L'émission du sperme durant la sieste ou autre sommeil n'annule pas le jeûne, car cela est indépendant de la volonté de l'individu. La masturbation est une pratique vile et interdite par l'islam. Et il annule le jeûne s'il provoque l'émission du sperme. C'est le cas aussi des préliminaires au rapport qui n'invalident pas en eux-mêmes le jeûne que s'il provoque l'émission du sperme. Quant au liquide séminal, sa sortie n'invalide pas le jeûne, mais il invalide le dos. Le regard aussi, qui provoque l'émission du sperme, n'annule pas le jeûne, car l'individu ne peut pas le contenir. Par contre, si l'individu insiste dans son regard ou répète le regard, provoquant ainsi l'émission du sperme, son jeûne est annulé. Mais si c'est sur un simple regard, la personne ne s'est pas contenue, ça n'annule pas son jeûne. Mais s'il insiste sur le regard et il fixe son regard, et il insiste, dans ces cas-là, s'il y a eu émission de sperme, son jeûne est annulé. Il faut savoir que la parole chez les hommes de science, comme dit Cheikh Al-Uthaymeen dans Sharh Al-Mumti', que la parole est assimilée au regard. Ce qui vient d'être cité concernant le regard est valable aussi pour la parole. C'est la parole amène à l'émission du sperme, ça l'annule. Wallahu al-musta'an. Le vomissement volontaire en grande ou petite quantité est un annulatif du jeûne. La personne qui provoque le vomissement, ceci annule son jeûne. Dans le hadith rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayh, selon Abu Huraira radiyallahu anhu arda, le messager d'Allah a dit: pas de compensation pour celui qui a vomi malgré lui, quant à celui qui l'a provoqué, il doit compenser. Donc le hadith nous apprend que le vomissement involontaire n'invalide pas le jeûne. Donc, il n'incombe pas à celui qui a rompu le jeûne pendant le jeûne de Ramadan, pour un motif légiféré, de jeûner le restant de cette journée si ce motif venait à disparaître. Donc, quelqu'un qui était malade, donc au début de la journée, ou là durant plusieurs jours, 3 ou 4 jours, et tout d'un coup, le 4e jour, au milieu de la journée, il se sent en forme. Il n'a pas jeûné la 4e journée, puisqu'au début de la journée, il n'a pas commencé son jeûne, il continue à rompre son jeûne jusqu'au 5e, jusqu'au lendemain. Donc, il incombe à celui qui a rompu le jeûne pendant le jeûne de Ramadan pour un motif légiféré, de jeûner le restant de cette journée, si ce motif venait à disparaître. Le cas pour le voyageur qui a rompu le jeûne durant son voyage, puis qui est rentré dans son lieu de résidence avant le coucher de soleil, n'est pas tenu de jeûner le restant de la journée. Il en est de même pour la femme dont les menstrues se sont arrêtées à midi ou avant, ou à l'asar, ou à 10h du matin. Ces menstrues se sont arrêtées, il n'a pas à jeûner le reste de la journée. Il continue à remplir son jeûne jusqu'au lendemain matin. Par contre, il doit tout de suite se laver pour prier les prières qui vont être obligatoires pour elle. C'est à l'heure du zénith. Les menstrues se sont arrêtées Ils se préparent et ils se lavent pour prier Dhuhr. Et ainsi de suite. Hein? Et il n'a pas à jeûner jusqu'à au coucher de soleil, il continue, hein, à manger normal. Attention, l'intention de rompre le jeûne l'invalide, même si aucun des annulatifs n'est connu concrètement. L'intention de rompre le jeûne l'invalide, même si aucun des annulatifs n'est connu concrètement. C'est celui qui a émis l'intention de sortir de son état de jeûne à une raison valable, telle la maladie. Le voyage, il devra se contenter de le rattraper. Mais celui qui le fait sans motif valide devra continuer son jeûne puis le rattraper, car il aura commis un péché. Et il y a un moment dans son jeûne où il n'a pas eu l'intention, où l'intention a été coupée. L'apostasie de l'islam est également un des annulatifs du jeûne, parce qu'il fait sortir de l'islam. Et l'une des conditions du jeûne, c'est d'être soumis à Allah, d'être musulman. Et il y a des choses qui sont réprouvées, qui n'annulent pas le jeûne. Mais qui peuvent conduire à son annulation. L'exagération dans l'inspiration de l'eau par le nez dans les ablutions, et aussi l'exagération dans le rinçage de la bouche conformément au hadith cité auparavant. Goûter la nourriture sans raison valable, car il peut conduire à en avaler. Mais il n'y a pas de mal. C'est celui qui cuisine ou celle qui cuisine de goûter avec sa langue pour savoir si le plat est salé ou pas et de ne pas avaler. Ou que la mère mâche sans l'avaler des aliments qu'il veut donner à son enfant. Ou que quelqu'un goûte du bout de sa langue quelque chose qu'il veut acheter sans l'avaler. Hein? Et on arrive à quelque chose à laquelle il faut faire très attention, surtout les jeunes. On sait de par la sunna que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses femmes en état de jeûne. Mais on sait aussi que lors d'une assise, un jeune est arrivé voir le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce que je peux embrasser en étant en état de jeûne? Il lui a dit non. Il y a une personne d'un certain âge, est arrivée. Hein? Il lui a dit, est-ce que je peux embrasser? Il a dit oui. Mais il n'y a aucune contradiction dans tout cela. Aïcha nous explique qu'au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam se maîtrisait et qu'on n'est pas comme lui. Et aussi, dans le hadith où il a dit oui à la personne âgée, il a plus cette force dans le désir. Quand jeune, il est dans le printemps de sa vie. Donc le fait d'embrasser, ça peut l'amener, hein, par les câlins et autres, à dépasser les limites et à tomber dans une situation qui n'est pas louable et qui va l'entraîner à quoi? À jeûner 2 mois successifs. Et lui, la femme, s'il est consentante. Et aussi, les personnes qui sont éprouvées par l'émission précoce du sperme doivent s'abstenir aussi. Mais en tous les cas, celui qui sait que ça va pas l'emmener loin, si l'embrasse, ce n'est pas un problème, parce que le prophète alayhi salam, il l'a fait. Hein? Et faire un câlin à sa femme, ce n'est pas un problème, si ça mène pas à ce qui n'est pas louable. Et parmi les choses qui n'annulent pas le jeûne aussi, le fait d'avaler la salive, hein, n'invalide pas le jeûne de la personne. Par contre, il n'est pas recommandé pour le jeûneur, et aussi pour celui qui ne jeûne pas, d'avaler les glaires, car c'est quelque chose de répugnant. Par contre, le fait de l'avaler, hein, n'invalide pas le jeûne, car ce n'est pas considéré comme le fait de manger ou de boire. Le saignement des dents n'influe pas non plus sur la validité du jeûne, mais il convient de faire son possible pour éviter d'avaler le sang. De même pour le saignement du nez, comme l'indique Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh dans Fatawa Arkan al-Islam. Il faut savoir que le but de la législation du jeûne n'est pas tout simplement s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports charnels avec ses femmes, avec ses épouses. Mais c'est aussi de s'éloigner de toute parole illicite, comme la calomnie, comme la médisance, comme le faux témoignage, comme les insultes, comme le fait d'écouter de la musique, comme le fait de zioter n'importe quoi sur les téléphones, sur les télés, sur les ordinateurs. Et qu'on ne dit pas, on est dans un confinement, il faut qu'on passe notre temps. Avec quoi tu veux qu'on passe notre temps? Ton temps, tu ne le passes pas avec le haram. Tout cela est interdit. En dehors du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il en est pendant le mois de Ramadan? Encore plus, parce que c'est un temps méritoire. Et comme, hein, le dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi dans Cheikh Bulugh Al-Maram, le jeûne doit entraîner la personne au refoulement de ses désirs et à l'extinction de la fureur et de la colère. Il doit l'éloigner de la soumission à l'âme incitatrice au mal, car tout cela diminue la récompense du jeûne et peut-être il fait complètement disparaître les récompenses du jeûne. Écoutez le hadith rapporté par l'imam Bukhari. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Donc le hadith nous dit ceci: celui qui ne s'abstient pas de proférer des propos mensongers et d'agir en conséquence, ainsi que de l'impudence, qui ne s'abstient pas de l'impudence, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Hein? Regardez ce qui est stipulé dans le hadith. Qawl az-zur, les propos mensongers, ce sont ceux, hein, qui écartent de la vérité et qui font prévaloir, qui mettent en avant le faux. Et cela comprend toute parole illicite. Le mensonge, la calomnie, la médisance, le faux témoignage, les insultes, et dans certaines paroles d'hommes de science aussi la musique. Et le mensonge est interdit en tout temps et en tout lieu. Mais le péché est plus grave quand cela est commis en un temps méritoire comme Ramadan, et aussi en un lieu méritoire comme les lieux sacrés, ou un état méritoire comme le jeûne. En dehors, hein, du jeûne, en dehors de cet état de jeûne qui est un état méritoire, le mensonge est interdit. La médisance, le colportage, et ainsi de suite. Le jahl, qui est cité dans le hadith, qui est l'impudence, dit-il la grossièreté, qui est interdite en toute situation, mais plus encore en état de jeûne. Donc, le jeûne, accompagné de propos mensongers et d'impudence, a peu de récompense, car il n'est pas complet. Car s'il était complet, il permet, hein, car si le jeûne était complet, il aurait protégé le jeûneur de tout cela. Médite la parole du messager alayhi salam. Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Cela montre la gravité des propos mensongers et de l'impudence lors du jeûne. Hein? Sinon, Allah n'a pas besoin des créatures, ni de leurs adorations. Les adorations profitent à la personne et prodiguent le bien à la personne. Est une miséricorde d'Allah pour la personne. Donc pour les savants, ce jeûne accompagné de propos illicites est en apparence valide et il est compté comme une obligation accomplie pour celui qui l'a accompli, car cela ne figure pas dans les annulatifs du jeûne. Mais ils disent que ceci diminue gravement là les récompenses du jeûne. Donc il faut faire très attention à son jeûne, il faut le préserver ses récompenses. Donc il faut accomplir cette adoration comme il se doit et avoir toujours présent à son esprit les nobles mérites de cette noble adoration. Quand dans le hadith authentique il est dit, les œuvres du descendant d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi qui le récompenserai. Ça c'est la parole d'Allah dans un hadith qudsi. Toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi qui le récompenserai. Hadith, c'est une partie du hadith chez l'imam Bukhari. Donc nous devons avoir à l'esprit ce grand mérite qu'il y a dans le jeûne et ne pas tomber dans le colportage, dans le fait de zioter n'importe quoi, d'écouter n'importe quoi, de dire n'importe quoi, de propager n'importe quoi. Surtout en cette période où beaucoup de gens ne sont pas habitués à rester en quatre murs, où là ça te demande de patienter, d'endurer et de te pencher sur le livre d'Allah Azza wa Jal et de voir, de faire des choses instructives avec les enfants qui les feront avancer dans leur religion, dans l'amour d'Allah, dans l'amour du prophète alayhi salatu salam. Le jeûne, comme vous le savez, comporte beaucoup de bien et de sagesse. C'est un acte d'obéissance secret entre le Seigneur et son serviteur. Il n'y a qu'Allah qui sait que la personne est en état de jeûne. Et il permet de se parer du mérite de la patience. Car il réunit les trois formes de patience. La patience dans l'obéissance à Allah. La patience dans l'abstinence de toute désobéissance à Allah. Et la patience sur les décrets douloureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète. Et il permet à l'individu, de par la faim qu'il subit, il a soif, qu'il subit, de reconnaître les bienfaits avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala il l'a comblé toute l'année, d'être dans l'aisance, d'avoir à boire et à manger. Et partant de là, en goûtant le goût de la soif et de la faim, pensez à ceux qui en sont privés. Et le jeûne compte aussi beaucoup de bienfaits pour le corps, pour la santé, pour l'esprit de la personne. Et vous voyez comment les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala conseillent les jeûnes maintenant. Mais on n'a pas besoin de savoir ce qu'eux conseillent. Le bien, il est dans notre religion. Le bien est dans le fait de se conformer à ce que veut de nous Allah Azza wa Jal. Et sachez frères en Allah Azza wa Jal, dans ce confinement, il faut que son confinement soit pris pour nous comme une miséricorde. Parce que dedans, on obéit à Allah Azza wa Jal. Parce que le fait d'obéir au gouverneur dans l'obéissance à Allah est une énorme hasana. Énorme hasana. Et rajoute à ça, tu jeûnes durant cette obéissance, tu rajoutes une autre obéissance, et tu patientes, tu endures dans cette situation de confinement. Tu imagines un petit peu la miséricorde dans laquelle tu baignes, les récompenses qui peuvent en découler, mais il faut la préserver. Préserve ton regard, préserve ton oui, préserve ta langue, préserve ton doigt de ne pas appuyer sur n'importe quel bouton et d'envoyer n'importe quoi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans notre religion. Fasse Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna wa sifati al-ula, an yaj'alna wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم جزاكم الله خيرا